bon geste qui fait moi paix à mes ou qu'un néglige moi. Et si demain enfant gagne moi, fais moi comprendre que c'est moi qui aime ou qui rete carte. Moi y'en dis ça, que c'est moi où. Lèmwen tout prè tout kon mwen an ditres. Pè pari ti lontan san mwen pa vwe. On ve pa deranje ou, on la ka ezite. On ve pa deranje ou, on ve pa deranje ou, on ve pa deranje ou. Pour moi ça compliqué, on l'a qu'à réfléchir.